Bonjour tout le monde. Moi, je travaille dans un organisme qui s'appelle le Mouvement Action Chômage de Montréal, qui ne se définit pas comme un organisme anticapitaliste. Par contre, qui est un organisme de défense des travailleurs et des travailleuses en matière d'assurance chômage, qui existe depuis 42 ans. Donc, c'est le plus vieux groupe de lutte au Canada en matière d'assurance chômage. Et même si le mouvement sans chômage n'a pas comme tel une plateforme anticapitaliste, le mouvement sans chômage, ben c'est on lutte sur cette question-là de l'assurance chômage, c'est une question qui est quand même au cœur du rapport entre le capital et le travail, si on veut, dans les rapports de force. Et nécessairement, notre lutte se confronte aux tendances dominantes du système qui est un système capitaliste. Et la lutte pour le droit d'assurance chômage, dans le fond, c'est une lutte anti-exploitation. C'est un peu ce qu'on va voir à travers la présentation que je vais faire. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais des présentations, d'être assez traditionnel et pas interactif. Là, je vais quand même faire une présentation, peut-être, on va essayer de la faire pas trop longue, là, une demi-heure, pour situer le contexte historique du régime d'assurance chômage, d'où il vient. Comment il s'est développé, comment il s'est transformé, et quels sont les changements actuels que le gouvernement conservateur est en train d'imposer. C'est quoi la lutte qui se développe présentement sur ce front-là. Et ça devrait nous permettre d'avoir une discussion plus générale sur c'est quoi le rôle d'un régime d'assurance chômage dans la structure économique capitaliste et comment ça s'inscrit dans les rapports entre le capital et le travail. Si à travers ma présentation, vous voulez m'interrompre, vous avez des questions, là, gênez-vous pas, je préfère qu'on prenne des questions pour qu'on échange là, que d'attendre à la fin. Puis, si vous avez des questions ou des interventions à faire, vous pouvez intervenir autant sur les grandes questions là, du chômage et du capitalisme, mais si vous avez des questions plus particulières aussi par rapport à au fonctionnement du régime d'assurance chômage, gênez-vous pas, là, je connais bien ça. Là. Puis vous pouvez en profiter, là, même si vous avez à la fin des questions personnelles, si vous avez affaire à l'assurance chômage, vous pouvez venir me voir pour qu'on puisse en discuter. Le régime d'assurance chômage au Canada n'a pas toujours existé. Les régimes d'assurance chômage dans les pays capitalistes n'ont pas toujours existé. D'ailleurs, il n'existe pas des régimes d'assurance chômage partout. Il y a encore des pays dans le monde où il n'existe pas, surtout dans des pays... dominé par l'impérialisme, il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas de régime d'assurance chômage. Ou quand il y en a, c'est des régimes privés. J'ai eu l'exemple de la Tunisie où, à un moment donné, je m'occupais du dossier d'un travailleur, un réfugié politique d'origine tunisienne qui travaillait ici puis qui a eu un problème d'assurance chômage. Puis lui, son problème, c'est qu'il avait fait sa demande d'assurance chômage en retard. L'assurance chômage, il ne voulait pas le payer à cause de ça. Puis lui disait, moi, mais je ne savais pas, je connaissais même pas, je savais même pas que ça existait au Canada, un régime d'assurance chômage. Bon, la commission d'assurance chômage, eux, ils disaient, nul n'est censé ignorer la loi, tu étais supposé le savoir. Mais moi, lui disait, oui, mais il n'y en a pas dans mon pays, je suis allé vérifier. Puis si vous tapez dans Google assurance chômage Tunisie, ça vous amène sur le site d'une compagnie d'assurance privée qui s'appelle ACT pour assurance chômage Tunisie. Puis, ça s'adresse beaucoup, évidemment, aux cadres d'entreprise ou aux travailleurs et travailleuses un petit peu plus privilégiés, disons, qui peuvent se payer une assurance privée. Bien, tu vas sur le site de la compagnie, puis là, tu indiques, moi, je suis directeur d'une usine, je gagne, mettons, 75 000 par année, ça fait 5 ans que je travaille là, puis c'est dans tel domaine d'activité, puis là, tu fais une demande de soumission pour avoir un prix de la compagnie d'assurance, puis là, ils disent, ça va te coûter tant par mois, tu vas avoir une assurance si jamais tu perds ta job, on va te payer. C'est une assurance privée que les gens se payent. C'est bien pour dire. Au Canada, on a un régime d'assurance publique, mais par contre, on va voir qu'il y a à peu près juste entre 40 et 50 % des travailleurs et travailleuses en chômage qui sont couverts par le régime d'assurance chômage. Fait qu'on on s'en va tranquillement vers la disparition du régime d'assurance chômage. Tout ça pour dire que ça n'a pas toujours existé. Les premiers régimes d'assurance chômage ont été, je pense que le premier a été créé en Grande-Bretagne au début du 20e siècle. Au Canada, c'est en 1940 que le régime d'assurance chômage a été créé. Antérieurement à ça, il n'y avait aucune protection pour les chômeurs et chômeuses. Il faut dire que dans les débuts du développement de l'activité économique et du mode de production capitaliste sur le territoire canadien, il n'y avait pas nécessairement un gros problème de chômage. Le problème de chômage a vraiment éclaté au moment de la première grande crise du capitalisme, à partir du crash boursier de 1929 jusqu'à 1933 à peu près, où on est passé en fait, en 1929 au Canada, on dit qu'il y avait 107 000 chômeurs recensés. Là, je ne féminise pas parce que la réalité du chômage à cette époque-là, c'était une réalité masculine, très, très, très largement. Puis en l'espace de 4 ans, de 1929 à 1933, on est passé de 107 000 chômeurs à 646 000. Donc, ça a multiplié par 6 en l'espace de 4 ans. Puis ça devenait donc un problème social que le capitalisme avait de la difficulté à gérer. Juste pour donner un exemple, le chômage existait à la fois dans les grandes villes qui étaient les centres industriels qui s'étaient développés, mais aussi dans des petites villes un peu partout dans les différentes provinces. Puis juste en Colombie-Britannique, on dit que c'est des dizaines de milliers de jeunes hommes entre 20 et 30 ans, essentiellement, qui n'avaient pas d'emploi dans différentes villes de Colombie-Britannique. Et ils se ramassaient tous à Vancouver. Ils partaient, ça faisait 6 mois qu'il n'y avait pas de travail, donc pas de revenus. Et il n'y avait pas de régime d'aide sociale, il n'y avait pas de rien. Donc, ils partaient, ils hackaient des trains, ils embarquaient sur des trains, ils se rendaient dans les grands centres. À Vancouver, à un moment donné, il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, en l'espace de quelques mois, qui sont arrivées dans la ville, et qui étaient des migrants intérieurs, des personnes migrantes de l'intérieur de la Colombie-Britannique, et qui vivaient dans la rue, qui s'installaient dans les parcs, qui dormaient dans les parcs, et qui essayaient de trouver du travail à chaque jour. Ils se rendaient dans des agences de placement où ils allaient quêter du travail à chaque jour. Et quand ils n'en trouvaient pas, bien, ils faisaient le tour des commerçants, puis ils quêtaient de la nourriture, puis ils en volaient. Puis ça devenait un problème social dans une ville de gestion là, qui était très difficile à assumer pour la ville. Parce que c'était la municipalité qui était prise avec ça, puis il n'y avait pas de programme pour. Il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de. Donc, la ville s'est adressée au gouvernement provincial pour dire on peut-tu avoir de l'argent là, la province donne un peu d'argent à la ville pour gérer des problèmes de. Pour gérer des allocations, des coupons d'alimentation, des trucs du genre. À un moment donné, les provinces ont commencé. Là, parce que c'est la même chose au Québec aussi, ce même phénomène-là à Montréal. À un moment donné, les provinces ont commencé à établir des programmes de secours direct. Puis là, ils se disaient, bon, il faut faire quelque chose pour s'occuper de ce monde-là, parce que sinon, c'est un problème explosif. Là. Ça remet en question la paix sociale. Donc, il faut s'en occuper. Et c'est là qu'ils ont commencé à développer les premiers camps de travail. Comme au Québec, la base militaire de Valcartier a été construite en partie par des chômeurs. Et là, les chômeurs. Puis le jardin botanique à Montréal a été construit aussi. C'est un camp de travail de chômeurs. Donc là, les chômeurs pouvaient s'inscrire volontairement. C'était pas forcé. Ils pouvaient s'inscrire, mais il n'y avait pas de. C'est la seule chose qu'ils pouvaient faire pour avoir du secours. C'est-à-dire, en s'inscrivant dans un camp de travail, ils faisaient des travaux dits d'utilité publique, puis ils recevaient 20 cents par jour, puis des coupons de nourriture. Et dans certains cas, il y avait des camps aussi où ils pouvaient dormir. C'était pas le cas à Montréal, mais à l'extérieur des centres, des grands centres, là, il y avait en Colombie-Britannique des camps de déboisement, avec comme des camps de bûcherons. Les chômeurs, ils pouvaient aller là, puis recevoir leur allocation de 20 cents par jour. Ils étaient logés, nourris. Puis c'était comme des travaux forcés, pratiquement. Ça représente quoi, Vincent, dans cette époque-là, par rapport à un autre travailleur qui avait un travail? Je pourrais pas le dire, mais c'était pas, ça se comparait pas, là. Ouais. Parce que même si, évidemment, là, les salaires à l'époque, c'était pas 100$ par semaine, là, mais il reste qu'on était quand même de l'ordre de au-delà d'un dollar, certainement, là, par jour. Ce que cette situation-là a créé, c'est un rassemblement aussi des chômeurs. C'est-à-dire que ces personnes-là qui venaient à Vancouver ou ailleurs, ils se retrouvaient ensemble, ils développaient une solidarité entre eux. Ils couchaient dans les parcs, ils vivaient ensemble, ils allaient ensemble, ils commençaient à exiger du travail, exiger de la nourriture, exiger du logement. Et ils ont commencé à s'organiser et à mettre sur pied des comités de lutte. Et il y a eu, un peu moins au Québec, mais beaucoup dans l'Ouest canadien, des grandes organisations de chômeurs qui ont été créées, qui ont commencé à lutter pour un certain nombre de revendications. Et ils ont fini par créer un mouvement à travers le Canada et organiser une marche vers Ottawa avec l'idée d'aller revendiquer la mise en place d'un régime d'assurance chômage. La marche a été attaquée. Ils sont partis de Vancouver. Il y en a qui partaient du Québec, qui devaient tous se rendre vers Ottawa. La marche a été réprimée par la police, surtout à Regina. Elle a été stoppée de l'ouest. Elle est partie de Vancouver, puis rendue à Regina. La police a attaqué, puis ça a été dispersé. Et il y a eu partout, un peu partout. Pendant ce temps-là, les responsables du comité, eux, s'étaient fait offrir de se rendre directement à Ottawa pour rencontrer le gouvernement conservateur à l'époque. Puis, une fois rendus là, ils ont été arrêtés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de répression. Mais c'est quand même un mouvement qui a marqué et qui a créé un premier rapport de force, un premier mouvement d'organisation des chômeurs. Et finalement, en 1940, dans un contexte un peu différent, c'est-à-dire pendant la Première Guerre, le gouvernement canadien qui subissait la pression des provinces, parce que les provinces disaient « Nous autres, on n'a pas d'argent, on ne veut pas payer pour ça », puis ils se sont adressés au fédéral. Le gouvernement canadien a accepté de mettre en place un régime d'assurance chômage. Ça a pris d'ailleurs un amendement constitutionnel où toutes les provinces ont accepté de donner cette responsabilité constitutionnelle-là au fédéral. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le régime, c'est un régime fédéral. Bon, pourquoi le gouvernement fédéral l'a fait? C'était à la fois en réponse aux pressions populaires, à la mobilisation populaire, qui ont été obligés de céder, d'établir un programme social pour répondre en partie aux revendications populaires. Mais c'était aussi un contexte différent où les politiques économiques dominantes dans les pays capitalistes qu'on dit avancés, ou les pays les plus industrialisés, c'était des politiques d'inspiration keynésienne où on disait l'État doit investir plus dans l'activité économique et doit surtout mettre en place des mécanismes de régulation pour prévenir des crises. Et ça passe entre autres par le fait de donner un peu d'argent aux pauvres ou aux gens qui n'en ont pas pour qu'ils puissent continuer à vivre et à dépenser et à maintenir l'activité économique, permettre la circulation du capital et que ça allait empêcher l'apparition de nouvelles crises et ça allait même permettre une relance économique, une relance qui est venue, mais elle est probablement plus venue à cause des dépenses militaires et de la guerre en tant que telle qui a permis le développement de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses par la suite, là, les années de croissance du capitalisme dans les pays capitalistes industrialisés. Puis il y avait aussi sans doute, à la fois donc les pressions populaires, les exigences de développement du capitalisme qui imposaient qu'on aille certains programmes sociaux. Puis c'était aussi parce que les capitalistes, ils ont besoin de la force de travail, ils ont besoin des travailleurs et des travailleuses, puis ils ont besoin de travailleurs et travailleuses qui sont prêts à travailler, c'est-à-dire qui sont, qui sont des esclaves salariés, mais en même temps qui sont quand même pas assez dans la misère pour être encore capable de travailler. C'est comme les programmes de santé aussi, les hôpitaux, c'était pas un cadeau que les capitalistes nous donnaient quand ils ont construit des hôpitaux. C'était aussi parce qu'il faut, si tu veux exploiter la force de travail, il faut qu'elle soit capable de travailler et qu'elle soit productive. À un moment donné, il y a ça aussi qui jouait. Il y a un facteur qui jouait aussi à l'époque, c'était la rivalité entre les deux grands blocs. Le bloc qu'on appelait socialiste, mais qui n'était pas nécessairement des pays socialistes. C'était plutôt des pays où déjà c'était une forme de capitalisme d'État. Mais l'opposition, le fait qu'il existait un camp opposé au camp impérialiste occidental, faisait une pression sur les bourgeoisies des pays capitalistes avancés, industrialisés, pour faire des concessions à la classe ouvrière, pour éviter que la classe ouvrière se tourne vers le supposé modèle socialiste. Donc, il y a un régime d'assurance chômage qui a été créé. Par contre, à l'époque, c'était pas tout le monde qui était couvert par le régime, mais au fur et à mesure, avec les années, il s'est quand même développé. Puis le principal changement est arrivé plus tard, en 1971, sous le gouvernement Trudeau, où là, ils ont fait une réforme que, quand on regarde ça aujourd'hui, on a de la misère à comprendre comment ils ont pu faire ça dans le cadre du capitalisme, puis les gains que les travailleurs et les travailleuses ont eu avec ça. Les gains qui n'ont pas duré longtemps, par exemple, comme tous les gains, d'ailleurs, qu'on réussit à un moment donné à à remporter sur le capitalisme. Ce que le capitalisme nous donne d'une main, il finit par le reprendre de l'autre. Mais en 1971, ils ont rendu le régime d'assurance chômage universel. Fait que tous les travailleurs, toutes les travailleuses étaient couverts. L'État mettait de l'argent, mais dès le départ d'ailleurs, l'État mettait de l'argent dans le régime d'assurance chômage. Donc le régime d'assurance chômage était financé par un tiers, un tiers, un tiers, une cotisation versée par les salariés, une cotisation versée par les employeurs, puis l'équivalent mis par l'État. Sur la base qu'on considérait à l'époque que le problème du chômage, c'était pas juste un problème individuel que les travailleurs devaient, travailleuses devaient assumer, mais c'était un problème qui était lié à l'organisation sociale et économique de la société. Donc, la société représentée par l'État a une responsabilité par rapport à ça. On va voir que ça n'existe plus aujourd'hui. Et, bon, à l'époque, il suffisait d'avoir travaillé 8 semaines dans une année, dans une période de 52 semaines, il suffisait d'avoir travaillé 8 semaines pour avoir droit à l'assurance chômage. Puis une semaine de travail, il fallait avoir, pour qu'elle compte, il fallait avoir travaillé au moins 15 heures. Donc, 8 semaines fois 15 heures, ça fait 120 heures de travail dans l'année. Ça donnait droit à 50 semaines d'assurance chômage. Partout à travers le Canada, c'était la même norme. Une période de chômage, c'est un an. Les deux premières semaines, tu n'es pas payé. Puis, à partir de la troisième semaine, tu commences à être payé. Puis, à l'époque, c'était 50 semaines de prestation si tu avais travaillé 8 semaines. Le taux de prestation, c'était 66 % du salaire moyen, du dernier salaire. Puis pour ceux et celles qui avaient des enfants à charge, c'était 75 %. On tenait compte du fait que les personnes qui avaient des enfants à charge avaient besoin de plus d'argent. À l'époque, quelqu'un qui quittait son emploi volontairement, sans justification, ou quelqu'un qui était congédié parce qu'il avait donné un coup de poing sur la gueule du boss, pour une inconduite, mettons, ou pour un vol en milieu de travail, ou peu importe, il avait droit pareil à l'assurance chômage, mais il y avait une pénalité de 1 à 3 semaines, selon la gravité de l'infraction. Fait que ça, tu pouvais te faire couper 3 semaines sur tes 50 de chômage, mais il t'en restait quand même 47. Ça, ce que ça veut dire, entre autres, c'est que quelqu'un qui... On s'entend que tout travail en soi est basé sur un rapport d'exploitation, donc il y a une forme d'exploitation dans tout travail. Par contre, en pratique, il y a des jobs qui sont plus chiants que d'autres. Puis il y a des jobs qui sont plus endurables que d'autres. Puis il y a toujours eu, puis malheureusement, je pense que tant qu'on va être dans le capitalisme, il va toujours y avoir des jobs où des fois, des gens sont victimes de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel, de pratiques illégales, l'employeur qui force à faire du temps supplémentaire mais qui ne le paye pas. Bon, toutes sortes de situations comme ça. Et à l'époque, tu pouvais te dire, c'est un petit job plate-là, regarde, je la lâche, là, fais-moi pas chier, le boss, je m'en vais. Tu démissionnes, tu t'en vas. Tu savais que tu avais droit, si tu avais fait tes huit semaines, tu savais que tu avais droit à l'assurance chômage. Dans le pire des cas, il allait t'en couper 3. Et tu peux dire, regarde, moi, 3 semaines sans salaire, mais au moins, après ça, je vais avoir l'assurance chômage, puis je me ferai plus chier à ce job-là, puis je vais avoir un an pour essayer de m'en trouver un autre. Ce qui est quand même un délai possible. Mais c'était comme trop beau pour être vrai, ça n'a pas duré longtemps. Quatre ans plus tard, ils ont déjà commencé à faire des petits changements. Mais c'est vraiment, par contre, à partir de la fin des années 80 que là, on a modifié les règles du régime d'assurance chômage. Mais on avait, dans les années 70, on avait monté de 3 semaines à 6 semaines les pénalités en cas de départ volontaire, des choses comme ça. On avait aussi augmenté, à un moment donné, au lieu de prendre 8 semaines pour se qualifier, c'était 10 à 14 semaines, selon la région où on vit. Mais encore là, c'était pas si pire, 14 semaines à 15 heures. Il est arrivé aussi quelque chose qui est quand même important dans le développement du régime. À un moment donné, l'État canadien s'est dit... c'est quand même pas normal qu'on paye du monde à rien faire, là, à rester chez eux et être en chômage. Il faudrait utiliser le régime d'assurance chômage pour forcer les gens à suivre des cours, à embarquer dans des programmes d'employabilité. Tous les trucs qu'on connaît aujourd'hui qui sont gérés au Québec par Emploi Québec. Et ils ont commencé, ça c'est à partir de la fin des années 70, à utiliser les fonds du régime d'assurance chômage pour financer des cours de formation professionnelle, tout ça. Ce qui était une façon de prendre de l'argent qui était... En fait, cet argent-là était supposé servir à indemniser les travailleurs et travailleuses qui perdent leur emploi. Mais là, on a commencé à prendre une partie de cet argent-là pour financer quelque chose qui devrait être payé par les boss, c'est-à-dire la formation de la main-d'œuvre. Parce que c'est eux qui profitent, en fin de compte, là, de la formation professionnelle, de la main-d'œuvre. Mais c'est l'argent du régime d'assurance chômage qui a commencé à être utilisé pour ça. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Au Québec, la moitié des budgets, Emploi Québec, c'est 1 milliard par année. Puis 500 millions vient de la Caisse d'assurance chômage du fédéral, qui est transféré au Québec pour financer des cours, des clubs d'employabilité, des trucs du genre. Alors que le régime d'assurance chômage, il paye de moins en moins de prestations pour les chômeurs et les chômeuses qui en auraient besoin. Mais c'est vraiment, comme j'arrivais à ça, à la fin des années 80, que là, sous la pression, on est au début, dans le fond, on est après une période de crise importante, 82-83, le début des politiques de mondialisation, de libéralisation des marchés, de ce que certains ont appelé le néolibéralisme, et des pressions de toutes les grandes institutions internationales comme l'OCDE pour dire, là, le régime d'assurance chômage canadien, il est trop généreux. Il fait en sorte que les gens ils se permettent de refuser n'importe quel job parce qu'ils savent qu'ils peuvent rester en chômage puis avoir de l'argent. Il faut forcer les gens à accepter n'importe quel job. Et là, c'est les gouvernements, ça a été d'abord Mulroney, puis ensuite Chrétien, à partir de 1993, qui ont fait trois vagues de changements au régime. Puis en gros, ce qu'on a fait, c'est on a baissé le taux de prestation. Il avait passé de 66 à 60 % ensuite 57, puis ensuite 55 %. Présentement, il est toujours à 55 %. On a diminué le nombre de semaines de chômage auxquelles on a droit. Ça a passé de 50 semaines, comme je vous l'ai mentionné. Puis là, c'est une norme variable. Présentement, c'est entre 14 et 45 semaines, dépendamment de la situation. Il y a des gens qui peuvent perdre leur job et avoir juste 14 semaines de chômage devant eux, de prestation. Puis dans le maximum, dans le meilleur des cas, ça va être 45. On a introduit aussi les exclusions totales pour les départs volontaires et les congédiements pour inconduite. Contrairement à avant, on se faisait pénaliser, ils nous enlevaient une à trois semaines. À un moment donné, c'était 6 semaines. À un moment donné, c'était 12 semaines. Mais depuis 1993, c'est tu n'as plus droit à l'assurance chômage si tu quittes ta job volontairement, sans justification. Puis, tu n'as pas droit à l'assurance chômage si tu es congédié parce que l'employeur il prétend que tu as commis une inconduite, qui peut être d'arriver en retard trop souvent, s'absenter sans motif, coup de poing sur la gueule du boss aussi, mais peu importe. Là, ça va même jusqu'à... tu ne respectes pas une procédure de l'employeur, ils vont dire que c'est de l'inconduite. C'est ça. Juste pour vous donner un exemple, là, on a vu un gars, à un moment donné, c'était une préposée aux bénéficiaires dans une résidence de personnes âgées. Elle a fait le chiffre de nuit. Puis, quand elle fait le tour des chambres, puis qu'elle fait sa surveillance pendant la nuit, il faut qu'elle distribue des médicaments. Puis, elle a un checklist, il faut qu'elle check pour chaque patient ou patiente ou résidente, c'est quoi les médicaments. Pour être bien sûr qu'elle donne les bons médicaments, puis elle a fait une erreur, elle a donné les mauvais médicaments à mauvaise résidente. Bon, la résidente n'est pas morte, mais elle est rentrée à l'hôpital d'urgence, tout ça. La personne, la préposée a été congédiée, puis l'assurance chômage ne voulait pas la payer parce qu'il disait, dans ta job, tu as une procédure à suivre qu'à chaque fois que tu arrives devant une chambre, tu es supposé vérifier puis repasser deux fois ton checklist, puis tu ne l'as pas fait. Fait que tu as manqué à une règle. Donc ça, c'est une inconduite. Puis ils ont refusé de payer l'assurance chômage au complet parce que l'exclusion maintenant est totale. Ça, ce changement-là, c'est un changement fondamental parce que ça fait que quiconque aujourd'hui sur le marché du travail vit une situation difficile, t'en peux plus de ta job, tu vas accepter tout le temps, dans le fond, ce que le boss te demande parce que si tu quittes, tu n'es pas sûr que tu vas avoir droit à l'assurance chômage. Il y a même des bonnes chances que tu n'aies pas droit. Fait que si tu quittes, il faut que tu t'aies trouvé un autre job ou que tu sois prêt à dire « OK, je vais mettre une aide sociale si j'ai droit » ou « je vais m'arranger autrement pendant une couple de mois », mais tu n'as pas aucune protection. Tu es complètement soumis aux exigences, dans le fond, du patronat. Et ça, c'était un changement fondamental et ça existe encore aujourd'hui. Puis ça a été une catastrophe, disons, pour le mouvement ouvrier, pour la classe ouvrière au Canada. Le gouvernement fédéral s'est retiré aussi du financement du régime. Depuis 1990, l'idée que l'État a une responsabilité dans le chômage, ça n'existe plus. Le régime d'assurance chômage est financé uniquement par les cotisations des salariés et des employeurs. Même si les règles sont déterminées par le gouvernement fédéral, puis c'est un régime fédéral, ça ne coûte pas une cent au gouvernement fédéral. Et d'ailleurs, le régime a généré beaucoup de surplus parce qu'ils ont fait toutes ces coupures-là. Et les gens ont continué à cotiser à l'assurance chômage. C'est ce qui fait que sur une période de 12 ans, entre 1996 et 2008, le régime a accumulé quand même 57 milliards d'excédents qui ont été pris par le gouvernement pour rembourser la dette, pour financer les dépenses militaires, pour quoi que ce soit d'autre. Oui? Oui, mais s'il cotisait plus, pourquoi est-ce qu'il a pris l'argent? Parce que le gouvernement a tous les droits dans un... Non, mais la CSN a contesté, les centrales syndicales ont contesté, ça a été jusqu'à la Cour suprême. Puis la Cour suprême a dit, OK, si le gouvernement avait juste pris l'argent de la Caisse d'assurance chômage pour l'utiliser pour d'autres fins, ça serait un vol, ça serait illégal. Mais au fond, ce que la Cour suprême a dit, c'est qu'au fond, quand un travailleur ou une travailleuse paye de l'assurance chômage, il n'y a pas le choix, sur sa paye, on y prend, c'est comme un impôt. C'est ça que la Cour suprême a dit, c'est comme un impôt. Puis le gouvernement, il a le droit de lever des impôts. La seule chose que la Cour suprême a dit, c'est que sur 12 ans, là, il y a 7 ans où c'était la, ils ont voté à la Chambre des communes de prendre cet argent-là puis de le détourner. Puis il y a 5 ans où ça a été fait sans qu'ils votent à la Chambre des communes. La Cour suprême a dit, alors pour ces 5 années-là, ça c'était un vol, c'était pas légal. Parce que dans le système capitaliste, même dans le système parlementaire britannique, le pouvoir de prendre un impôt, c'est un pouvoir qui doit être voté par le Parlement. Un gouvernement ne peut pas, en fait, décréter un impôt sans qu'il y ait un vote au Parlement. Mais là, ce que la Cour suprême a dit, c'est qu'elle a dit, OK, pour 5 ans, le vol de la caisse était illégal, mais on va donner un an au gouvernement pour voter rétroactivement 5 lois pour rendre ça légal. Donc ça a été fait en 2009. Et en 2009, techniquement, là, c'était une opération comptable, là, mais le surplus de la caisse a été ramené à zéro. Mais c'est juste pour dire, je ne veux pas entrer dans toute la mécanique du financement du régime, mais que c'est pour dire que depuis 1990, l'État ne met plus un sou dans le régime. Fait qu'on a tranquillement introduit une philosophie qui dit que, dans le fond, si tu perds ta job, c'est de ta faute, c'est une responsabilité individuelle, c'est plus une responsabilité collective. Évidemment, c'est collectif dans le sens où tout le monde paye à l'assurance chômage, là, mais on a commencé à remettre en question l'idée que le problème du chômage est un problème social ou un problème collectif. Ça, c'est ce qui est arrivé, en gros, dans le régime d'assurance chômage. Et depuis... pas une anecdote, mais un petit détail quand même qui est intéressant. Comment ils sont arrivés, ces fameux surplus-là de 57 milliards? C'est en partie parce qu'on a décidé de payer moins de prestations à moins de monde pour moins longtemps. Évidemment, donc, ça coûte moins cher. Mais en même temps, ils ont baissé un peu les cotisations. Mais le gros des surplus, là, c'est intéressant parce que jusqu'à 1996, ça prenait un certain nombre de semaines pour avoir droit aux prestations. 8 semaines, 10 semaines, 14 semaines. Puis c'était même rendu jusqu'à 20 semaines. Mais une semaine de travail, pour compter, je vous l'ai dit, c'était 15 heures de travail. Ça voulait dire qu'une personne qui travaillait 14 heures dans une semaine, elle n'accumulait pas de droits à l'assurance chômage. Mais elle ne payait pas non plus. Parce que si moi, mettons, j'étais un employeur, j'avais quelqu'un qui travaillait 2 jours, 14 heures dans une semaine, je le payais pour 14 heures, mais je ne prenais pas d'argent pour l'assurance chômage parce qu'on ne cotisait pas à l'assurance chômage quand on travaillait juste moins de 15 heures dans une semaine. Dans les années 40, là, le travail à temps partiel, ça n'existait presque pas au Canada. Dans les années 70, ça s'est commencé à se développer. C'est beaucoup avec l'entrée des femmes sur le marché du travail. Et qui sont. Puis là, c'est la discrimination systémique, les femmes beaucoup confinées au travail à temps partiel, tout ça. Puis là, avec le développement des luttes du mouvement des femmes, il y en a qui disaient le régime d'assurance chômage est injuste parce que les femmes ont beaucoup moins accès au régime que les hommes. Parce qu'elles travaillent plus à temps partiel. Travailler à temps partiel, elles ne cotisent pas au régime. Mais en 1996, les libéraux, ils ont dit « Ah, on est féministes, on va changer le système, puis maintenant, c'est les heures qui vont compter, c'est plus les semaines. » Donc, toutes les heures vont compter. Dès que tu travailles une heure dans une semaine, tu vas payer de l'assurance chômage, puis ton heure va compter. Donc, du jour au lendemain, il y a 500 000 nouvelles personnes qui ont commencé à payer de l'assurance chômage, qui n'en payaient pas avant. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que au moment où ils sont passés d'un système des semaines aux heures, ils ont doublé la norme. Avant, ça prenait 10 à 20 semaines de 15 heures. Donc, calculez-le. Là. Donc, ça prenait entre 150 et 300 heures pour avoir droit. Puis maintenant, ça prend entre 420 et 910 heures pour avoir droit, selon la région, selon la situation. Fait qu'ils ont comme doublé. Ils ont fait rentrer 500 000 nouvelles cotisantes dans le régime qui ont eu droit à l'assurance chômage, mais qui se qualifient très peu à l'assurance chômage parce qu'elles travaillent à temps partiel et elles n'accumulent jamais assez d'heures pour avoir droit à l'assurance chômage. C'est comme ça que le régime s'est fait. Le gros des surplus, il vient de là. C'était pas plus compliqué que ça. Je sais que Paul Martin est passé à l'histoire comme un super bon ministre des Finances qui a été capable de rétablir l'équilibre budgétaire. Mais l'équilibre budgétaire, il vient en grande partie de ce 57 milliards-là. Puis ça, c'est une simple opération que c'est pas compliqué. Tu fais payer plus de monde, mais tu leur donnes rien en échange. Fait que c'est de l'argent qui rentre. Puis c'est ça. Et puis il n'y avait plus de déficit. Il y avait encore un déficit, mais c'était l'équilibre budgétaire à Ottawa. OK. À partir de 1996, donc les dernières réformes, il n'y a presque pas eu de changement au régime d'assurance chômage. Il n'y a eu que des petits ajustements temporaires pendant la crise de 2008-2009. Il y a eu certaines mesures pour donner un petit peu plus de prestations à certaines catégories de chômeurs et de chômeuses. Mais c'était toujours des mesures temporaires, ponctuelles. D'autres petits changements, mais assez peu importants. Là, cette année, le gouvernement fédéral est arrivé avec la première grande réforme au régime depuis les changements de 1990, 93, 96. C'est ce que nous, on a appelé le saccage de l'assurance chômage. C'est dans le dernier budget Flaherty, puis le fameux projet de loi C-38, là, la loi mammouth, la première des lois mammouth qui ont déposé au mois d'avril, faisait 450 pages, 700 articles, qui modifiaient 75 lois différentes, avec même aucun débat prévu à la Chambre des communes là-dessus. Ça a été adopté en deux jours. Ça a fait plusieurs changements au régime d'assurance chômage, dont deux sont plus importants, puis un sur lequel je vais m'attendre un petit peu plus. L'autre, je pense que j'en parlerai pas, parce que le temps passe. Quand ils ont fait des grandes réformes des années 90, 93, 96, ils ont massacré le régime d'assurance chômage pour que le régime donne le moins de couverture possible et rende les travailleurs et travailleuses les plus vulnérables possibles par rapport aux employeurs. Mais il y avait comme oublié deux ou trois affaires, et il restait encore deux ou trois affaires dans le régime qui étaient quand même favorables aux travailleurs. Une de ces mesures-là qui existait, on appelle ça la définition de c'est quoi un emploi convenable. De tout temps, depuis 1940, quand on tombe en chômage et qu'on reçoit des prestations, on a une obligation, c'est d'être disponible et capable de travailler. Il y en a-t-il ici qui ont reçu déjà des prestations d'assurance chômage? Vous savez qu'à chaque deux semaines, soit par Internet ou par téléphone, vous faites une déclaration, vous vous rapportez à l'assurance chômage pour demander votre paiement. Puis la première question qu'on vous pose, c'est au cours des deux dernières semaines, étiez-vous disponible et capable de travailler? Il faut répondre oui, parce que sinon, ils ne payent pas l'assurance chômage. La façon de démontrer la disponibilité, c'est par une recherche d'emploi. Mais ça, la loi, elle dit pas précisément, elle dit qu'il faut faire une recherche active d'emploi. Les gens, sont en principe supposés faire une recherche d'emploi. Et un fonctionnaire d'assurance chômage, il peut convoquer quelqu'un pour dire « qu'est-ce que tu as fait comme recherche d'emploi depuis un mois? » Puis si tu n'en as pas fait, il peut te couper. Ce qui était bien dans le régime jusqu'à maintenant, puis ça vient de la première loi qui a été adoptée en 1940, c'est qu'on disait, ouais, un prestataire ou une prestataire, il faut qu'il soit disponible, capable de travailler, donc qu'il fasse une recherche d'emploi. Mais il a le droit de refuser un emploi qui n'est pas convenable. On ne peut pas le forcer à prendre une job non convenable. On ne peut pas le couper pour ça. Puis la loi définissait c'était quoi une job convenable. Une job convenable, c'était une job à ton dernier salaire ou mieux dans le même domaine. Si tu es, mettons, éducatrice en service de garde, puis tu gagnes, c'est ta première job, tu fais un remplacement de congé de maternité après avoir fini ton cégep, tu commences à travailler, tu as peut-être un salaire de 18$ de l'heure, tu remplaces pendant un an, tu as fini ton remplacement, tu tombes en chômage, tu peux te chercher une job d'éducatrice en service de garde à 18$ de l'heure ou mieux. Puis s'il y a une job d'affiché à 17$, tu peux dire, celle-là, je ne la prends pas parce que moi, je gagnais 18. En gros, c'est la protection que le régime donnait. Puis juste avant de prendre la question... Juste la région, ça avait-tu de l'importance? Oui, c'est-à-dire que le régime ne pouvait pas te forcer à déménager. On ne pouvait pas dire, mettons, tu vis à Montréal, on t'a trouvé une bonne job à Québec à 18$, comme éducatrice en service de garde, prends-la. Tu peux dire non, je ne la prendrai pas. Si ce n'est pas accessible par le transport en commun, là, je ne suis pas obligé d'accepter la job. Ce n'est pas une job convenable. Ça, c'est un autre élément. Le régime disait même que si jamais la job, elle n'existe plus, moi, j'ai déjà travaillé comme un typographe sur un système de typographie au plomb. Je ne sais pas si vieux que ça, mais ça fait bien longtemps. Ça n'existe plus, je veux dire. À un moment donné, c'est un métier qui a cessé d'exister, les typographes. Mais là, mettons que je serais tombé en chômage, puis j'aurais dit, bien, ça n'existe pas. Le régime me permettait de chercher une job quand même similaire ou connexe dans un autre domaine. Puis là, la norme de référence, là, on disait, c'est le salaire veillé, versé par les meilleurs employeurs du domaine ou par les meilleures conventions collectives, si c'est un domaine où il y a des syndicats. Donc, la référence, c'était le meilleur salaire, même pas le salaire moyen du secteur, le meilleur. Ça, c'était la loi telle qu'elle existait jusqu'à maintenant. Là, c'est ce que les conservateurs ont décidé de scraper. En avant, il y a une brochure, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pris, j'en ai des copies ici. Ce que ça fait maintenant, c'est que la définition d'emploi convenable, elle va changer. Puis elle va dépendre du statut du prestataire. Ça, c'est un changement de philosophie aussi dans le régime, puis ça va dans le sens, ça va dans le sens de faire porter la responsabilité individuelle du chômage sur le travailleur ou la travailleuse. Jusqu'à maintenant, ton droit à l'assurance chômage, il était conditionné par tes antécédents de travail. Tu as travaillé assez d'heures, tu as payé de l'assurance chômage, puis tu perds ta job, c'est ça qui te donne droit à l'assurance chômage. Puis c'est ça qui détermine, c'est ton salaire qui détermine quel va être ton taux de prestation. C'est le nombre d'heures que tu as travaillé qui va déterminer à combien de semaines de prestation tu as droit. C'est toujours les antécédents de travail qui déterminent à quoi tu vas avoir droit une fois que tu vas être sur l'assurance chômage. Maintenant, cette philosophie-là, c'est tes antécédents de chômage qui déterminent ce à quoi tu vas avoir droit. Donc, plus tu as été chômeur fréquent, prestataire fréquent ou fréquente, moins tu vas avoir de droit à l'assurance chômage. L'idée, c'est qu'il y a des bons chômeurs. Ça, c'est ceux qui tombent. Un travailleur du secteur industriel dans le nord d'Ontario qui travaille pendant 35 ans, puis la compagnie ferme, il n'a jamais demandé d'assurance chômage de sa vie. Lui, on va l'épargner un petit peu. Là. On ne tapera pas trop dessus. Mais l'autre qui est un travailleur ou une travailleuse à statut précaire, une personne migrante qui vient d'arriver au Canada puis qui travaille pour des agences de placement temporaire puis qui passe d'une petite job à une autre à chaque 3, 4, 5 semaines, puis entre les deux, il y a 2, 3 semaines sans travail, tout ça. Donc, il fait fréquemment des demandes de chômage. Lui ou elle, on va y mettre des exigences différentes. Les définitions, là, sans entrer tout dans le détail, vous les avez à page 6. C'est qu'il va y avoir 3 catégories de prestataires. Les travailleurs de longue date, les prestataires fréquents, là, c'est pas féminisé, ça vient directement d'un document de la ministre responsable d'assurance chômage, Diane Finley. Puis les prestataires occasionnels, c'est entre les deux. Le travailleur de longue date, c'est un travailleur qui a cotisé à l'assurance chômage pendant au moins 7 des 10 dernières années, puis qui n'a pas touché plus que 35 semaines de prestation dans les 5 dernières années. Le prestataire fréquent ou la prestataire fréquente, c'est quelqu'un qui a fait 3 demandes de prestation ou plus dans les 5 dernières années, puis qui a touché plus que 60 semaines de prestation dans les 5 dernières années. Ça, c'est qui? Bien, c'est tous les travailleurs travailleuses saisonniers. Dans certaines régions du Québec, le travail est majoritairement saisonnier. En Haute-Côte-Nord, en Gaspésie, au Nouveau-Brunswick, c'est le cas aussi, c'est la pêche, l'industrie touristique. Le type d'emploi disponible, c'est des jobs saisonnières. Mais à Montréal, on a aussi l'horticulture, le déneigement, les chargés de cours des cégeps des universités. C'est des emplois saisonniers. Tu travailles une saison, puis après ça, ton contrat se termine. C'est tous les travailleurs travailleuses à statut précaire. Je parlais des gens qui travaillent pour des agences de placement. C'en est un exemple. Mais c'est ça, les gens, les préposés au déneigement. Il y a beaucoup de jobs. Toutes les personnes qui demandent fréquemment du chômage. Moi, j'ai un de mes frères qui a travaillé 25 ans pour les Expos de Montréal, préposé au terrain, s'occupait de l'entretien sur le terrain. Puis pendant 25 ans, il travaillait 8 à 9 mois par année, puis il était 3 mois en chômage. Mais s'il travaillait là encore aujourd'hui, s'il y avait encore un club de baseball à Montréal, lui tomberait dans la catégorie d'un prestataire fréquent. Puis un prestataire fréquent, là, bien, les 6 premières semaines de chômage, il faut qu'il accepte un job, il faut qu'il soit prêt à travailler à 80 % de son dernier salaire. Pas nécessairement pour la même job, mais une job semblable. Puis à partir de la 7e semaine, 70 % du dernier salaire dans n'importe quel travail qu'il peut faire. Puis ça, l'éducatrice en service de garde, qui a travaillé à 18 $ de l'heure, Ça veut dire 12 et 60. 70 %, là, c'est quand on tombe en chômage, on dit, il faut que tu sois prêt à accepter une job à 12 et 60. Prêt à accepter une job, ça veut dire, si je t'en offre une, tu peux pas en faire. Si tu vois, ça veut dire aussi, si tu vois qu'il y en a une d'annoncée, je peux te couper d'assurance chômage si tu as négligé de profiter de cette opportunité d'emploi. Donc, 18$ à 12,60. Évidemment, la fois d'après, là, si elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix, qu'elle accepte la job à 12,60, puis c'est un job qui dure juste 6 mois, au bout de 6 mois, elle fait une demande de chômage, mais ça va être 70 % de 12,60. Ça, c'est moins que le salaire minimum. Mais la ministre Fidelé a été ce matin, a dit on ne forcera personne à accepter une job en bas du salaire minimum. La seule autre affaire qu'elle a aussi protégée, c'est qu'on ne forcera personne non plus à faire une job de SCAB, à accepter une job dans une entreprise où il y a un conflit de travail. Ça, c'est comme les deux affaires à dire. Bon, je suis pas si méchante que ça. La ministre Fidelé, quand elle a annoncé ça, a dit notre but avec ça, c'est qu'on veut s'assurer que les McDonald's de ce monde ne sont pas obligés de faire venir des travailleurs migrants étrangers pour occuper des postes que des chômeurs canadiens pourraient occuper. Il en parlait encore à Radio-Canada cette semaine aux nouvelles. Il y avait un reportage, c'était à Amos, il y a un McDonald's, ils ont fait venir une trentaine de travailleurs étrangers temporaires du Maroc sur le programme des travailleurs étrangers temporaires. Évidemment, la question se poserait, pourquoi McDonald's n'était pas capable de combler ces postes-là? Ils ont plus augmenté les salaires. Alors, c'est des jobs de cul. Si c'était des jobs qui avaient... on va dire, c'est ça. C'est pour ça que le monde n'applique pas. Il y a du monde sur l'assurance chômage à Amos que, mais non, moi, je suis, mettons, ouvrier d'usine ou je suis éducatrice en service de garde, je suis en chômage, je ne vais pas appliquer pour aller travailler chez McDo au salaire minimum, tu sais. Pour aller me faire chier là. Fait que là, ils réussissent pas à combler leur poste. Fait que là, ils font venir... Puis la ministre a dit ça, on veut plus voir ça. Puis là, elle joue à la fois sur le discours de division. On veut pas que des personnes migrantes viennent nous voler nos jobs. On veut forcer, en même temps, les paresseux ici, qui veulent pas travailler, à travailler. Ça, c'est arrivé, effectivement, au Nouveau-Brunswick. Là. Le problème avec ça, c'est que, présentement, puis même avec les changements qui sont annoncés, la loi nous oblige donc à faire une recherche active d'emploi. Mais il faut qu'on prenne en note. Là. Ils disent là, dans le règlement, d'ailleurs, que chaque personne va devoir garder un registre et tout noter ses recherches. Personne n'est obligé de faire signer un employeur comme quoi tu as fait une demande d'emploi. C'est juste que quand ça a sorti, là, au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de travailleurs saisonniers, ou travailleurs saisonnières. Ils faisaient le tour de toutes les petites business du village. Il y avait un exemple, c'était un propriétaire de quincaillerie qui a deux employés. Puis là, dans la même semaine, il y a 30 personnes qui sont venues pour faire des demandes d'emploi. Fait qu'à un moment donné, il a dit « Arrêtez de venir m'écœurer, je veux plus rien savoir, venez plus me voir. » Fait que là, les gens, ils vont pareil, mais là, ils veulent le faire signer comme preuve qu'ils sont venus. T'sais. Mais c'est ça. Puis là, il y en a qui ont commencé à dire « Bon, on va charger pour ça. » Mais ça, ils sont pas supposés faire ça normalement. Mais c'est un peu comme une conséquence de ces changements-là. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que même les travailleurs de longue date ou travailleuses de longue date, eux autres aussi sont attaqués par ça. Parce que c'est 90 ou 80 % du dernier salaire. Puis on pourrait dire que le travailleur ou la travailleuse qui n'est pas en chômage, qui n'est pas à risque de perdre sa job, il est attaqué par ça aussi. Qu'il soit syndiqué ou pas syndiqué, mais particulièrement dans le milieu non syndiqué où la relation avec les employeurs est plus précaire. Si tu as un job non syndiqué, comme moi j'avais à un moment donné auparavant, puis tu vas voir ton boss une fois par année pour négocier individuellement une augmentation de salaire, puis le boss il fait ton évaluation, puis il dit ouais, « cette année je pourrais t'offrir ça, puis là tu essaies d'avoir un peu plus », mais quand tu vas aller le voir pour dire « j'ai-tu mon augmentation de salaire cette année, cher patron », il va avoir beau jeu de dire « ben non, cette année je t'en donne pas », puis si tu chiales un peu, il va dire « en passant, si tu n'aimes pas ce job-là, tu peux t'en aller parce qu'à l'assurance chômage, il y en a plein comme ça qui vont m'envoyer, qui vont être obligés d'accepter à 70 % ton salaire là, de ce que je te paye. Fait que pourquoi je te donnerais une augmentation à toi? » C'est ça l'effet sur le rapport général entre le capital et le travail. Il est là l'effet du régime d'assurance chômage. Moins le régime donne une bonne couverture, plus ça mène les gens dans une situation de précarité et de vulnérabilité dans le rapport entre le capital et le travail. En même temps qu'ils ont annoncé ça, ça, c'est pas encore en vigueur, c'est supposé l'être à partir du 1er janvier. On n'a pas encore le texte officiel du règlement, par contre. Ça, c'est ce que la ministre a annoncé au mois de mai. En même temps qu'elle a annoncé ça, elle a dit que chaque prestataire va être obligé d'avoir une adresse de courriel quand il va faire sa demande. Et l'assurance chômage va envoyer deux fois par jour trois offres d'emploi par courriel à tous les prestataires et toutes les prestataires à partir de banques informatisées. Ça, ce que ça va faire, c'est que moi, mettons que je suis agent d'assurance chômage, puis mon employeur, l'assurance chômage, ils me disent Il faut que tu coupes du monde, puis il faut que tu en pognes, que tu les coupes sur la question de la recherche d'emploi. Ça va être facile pour moi, mettons, de te convoquer au bureau de chômage puis de dire « Qu'est-ce que tu as fait comme recherche d'emploi depuis un mois? » « Ben, j'ai fait telle application, telle autre, tout ça. Ah, j'ai même une liste, là, regarde ma liste, tout ça. » Là, il va regarder la liste, il va dire « Ouais, c'est intéressant, mais en passant, on t'en a envoyé 150, là, aussi, depuis un mois. T'es as-tu regardé? » « Ben, oui, je les ai regardés. » Là, il va sortir la liste parce que c'est une liste qui existe. Il va dire « Je regardais ça, cette job-là, là, à 12,60, elle n'aurait plus qu'intéressé. Ouais, mais celle-là, non, hein, je l'ai vue, là, mais je n'ai pas appliqué parce que 12,60, ça, quand même, moi, je travaillais à 18$, je suis quand même pas pour accepter une job. Je me cherche une job autour de 18$, là. Bon. Fait que là, parce que le problème, c'est qu'ils peuvent couper quelqu'un qui refuse une offre, mais qui a négligé de profiter d'une opportunité d'emploi. Je t'en ai envoyé 300 depuis deux mois des opportunités d'emploi, puis ils étaient toutes convenables au sens de cette définition-là. Tu n'as pas appliqué sur aucune de ces 300-là, ou tu en as appliqué juste sur 5 de ces 300-là, tu as préféré te chercher toi-même une meilleure job, mais tu as négligé de profiter des opportunités d'emploi convenables, donc je peux te couper. La coupure, c'est 12 semaines de prestations qui coupent. Quand tu as droit à juste 14, là, c'est comme si tu venais de perdre ton chômage au complet. Puis si une deuxième fois, c'est un autre 12 semaines. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient au niveau du régime d'assurance chômage. Il y a d'autres choses aussi, je vais presque arrêter là-dessus parce que... Juste par exemple, avant un commentaire, moi je travaille dans le domaine de l'emploi et l'emploi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi là, qui n'ont pas de connaissances informatiques. Oui. Très questionnant pour ces gens-là. Ouais. Moi j'en ai qui sont en train à lire, à écrire, fait que je m'en vais juste pas d'aller... Ouais. Ils n'ont pas de courriel, c'est techniquement impossible pour eux, là. Ouais. Donc ils vont se prendre en considération cette lacune-là. Ça, comment ils vont l'appliquer, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, bon, l'assurance chômage, ça s'appelle Service Canada, les bureaux d'assurance chômage. Maintenant, ils ont tous rénové ces bureaux-là depuis deux ans. Dans chaque bureau maintenant, il y a une grande aire de travail avec une quinzaine d'ordinateurs flambant neufs accessibles. Maintenant, quand tu vas dans un bureau de chômage, moi j'y vais régulièrement, entre autres celui à Laval, je suis dans la salle d'attente parce que j'attends les audiences au tribunal pour les prestataires qui contestent des décisions. Puis là, je vois arriver du monde. Le monsieur, il rentre, là, il dit bonjour, il vient au comptoir, là, il y a un préposé qui est bien poli, là, il dit en français, en anglais, puis je vous ai aidé, tout ça. Le monsieur dit, je viens faire une demande de chômage. La réponse du préposé, c'est, OK, c'est bien, avez-vous Internet à la maison? Il dit, non. Deuxième question, y a-t-il quelqu'un autour de vous, un membre de la famille, tu vois, qui a Internet? Pas vraiment. Troisième question, demeurez-vous proche d'une bibliothèque publique? Les ordinateurs sont tous là, mais les préposés, ils ont une directive d'essayer tout de suite d'envoyer le monde à la maison pour ne pas les aider. Là, le monsieur là, que j'ai vu, il dit j'en ai pas, je connais rien. Pourquoi vous me demandez ça? Je veux juste faire une demande de chômage. Là, le préposé a dit c'est beau, allez vous asseoir là. Il y a un ordinateur, là, mais il ouvre le formulaire électronique, il l'assoit, puis si vous avez besoin d'aide, levez la main, il y a quelqu'un qui va aller vous aider. Puis là, il y a quelqu'un qui va, effectivement, dans ce cas-là, sont quand même smart. Là, s'il lève sa main, il y a quelqu'un qui va aller le voir et qui va l'aider. Mais ils ont essayé de l'envoyer. Fait que là, ils annoncent qu'ils vont rendre obligatoire, comme je l'ai dit, l'adresse de courriel. Comment ça va s'opérationnaliser? Il y en a qui n'en ont pas. Ils vont-tu dire, viens t'asseoir, on va t'aider à t'en ouvrir une, puis tu reviendras à tous les jours si tu veux voir tes offres d'emploi sur nos ordinateurs. Une fois par semaine, tu viendras consulter. Comment ils vont le mettre en opération, je ne sais pas. Mais la chose la plus difficile là-dedans, c'est effectivement, c'est les personnes, un, qui sont, bon, computer illiterate, là, qui n'utilisent pas les ordinateurs, puis aussi les personnes analphabètes, 15% de la population au Québec, sans parler des analphabètes fonctionnels, qui sont quand même capables de lire un petit texte pas trop compliqué, mais dans la loi C-38, ils ont adopté que maintenant, la commission va pouvoir, d'assurance chômage va pouvoir rendre ses décisions par voie électronique. Ça a la même valeur légale que les notes envoyées par la poste. Aujourd'hui, je fais une demande de prestation et ils me refusent. Je reçois une lettre. La lettre a dit « Voici, vous êtes refusé à l'assurance chômage parce que vous avez quitté votre emploi chez Québécois sans justification. Vous avez 30 jours pour contester cette décision. Vous pouvez avoir des renseignements à tel numéro. » Mais au moins, la personne, elle le reçoit par écrit. Fait que si elle est analphabète, elle peut se tourner vers quelqu'un qui va l'aider, un membre de sa famille, aller dans un groupe, venir au mouvement sans chômage, ou dire « J'ai reçu ça, je ne suis pas trop sûr, il y a quelque chose que je peux faire pour contester ça. » Si elle reçoit son avis dans son courriel, alors qu'elle n'a pas d'Internet à la maison, elle va peut-être se rendre au bureau de chômage 2 semaines après, prendre ses courriels, si elle est capable, ou avoir de l'aide pour prendre ses courriels. Puis là, ben, elle va voir une notification comme ça qui dit qu'elle n'a pas le droit puis qu'elle a 30 jours pour contester. Elle ne partira pas avec l'ordinateur pour aller au mouvement de son chômage pour savoir, je ne comprends pas trop exactement ce que ça veut dire, pouvez-vous m'aider, tu sais. Ça va rester là, puis elle va perdre son droit, ça finit là. Ça s'en vient, ça va arriver. En tout cas, juste un dernier commentaire, mais moi je travaille aussi en région rurale, puis parce que les gens n'ont pas nécessairement de voiture aussi, ouais. Ils n'ont pas. Fait que tu sais, il y a une complexité qui est là quand même. Oui, oui. En tout cas, c'est juste un commentaire, là, parce que je pense à certains clients, je trouve ça assez particulier. Mais comment ils vont l'appliquer, c'est une autre question aussi. Comment ils vont réussir à appliquer ça? Quel va être le degré de difficulté dans un contexte où ils ont déjà coupé 15 % du personnel à Service Canada, puis que dans le dernier budget, ils annoncent je ne sais plus combien de coupures de postes au fédéral, 19 000. Il va y avoir une autre vague de coupures à Service Canada. On a eu des cas dans la dernière année, puis pas juste un, où tu fais une demande de prestation, puis ça prend 5 mois avant qu'ils te disent si tu as droit ou pas, puis qu'ils te versent ton premier chèque d'assurance chômage. Fait qu'ils ne sont plus capables même de répondre présentement. Ça, c'est un peu le, entre guillemets, le bon côté de la chose, là, c'est que ça va être tough pour eux autres de dire, moi, je veux te couper, il faut que je vais te convoquer puis je vais te pogner en disant, t'as-tu profité de toutes les opportunités? Ça prend quand même un fonctionnaire ou une fonctionnaire qui a le temps de te convoquer puis de monter un dossier sur toi puis de t'émettre une décision. Mais là, ils vont-tu prendre des fonctionnaires qui actuellement traitent les demandes pour. Ils vont en prendre 10-15 % puis ils vont dire, on va les envoyer sous le contrôle, peut-être. Fait qu'ils vont encore avoir moins de services au niveau des demandes. Bon, ça, on ne le sait pas encore. Une autre chose qui change aussi, puis je vais terminer là-dessus, bien, je vais, avant de dire un mot sur la mobilisation, c'est ça, c'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi grave. Présentement, depuis 1941, il existe des tribunaux administratifs. Je fais une demande de prestation, je suis refusé, j'ai 30 jours pour contester la décision. Si je conteste la décision, je m'en vais devant un tribunal qui s'appelle le conseil arbitral. Puis si je ne suis pas satisfait, je peux aller en appel devant un autre tribunal qui s'appelle le juge-arbitre. C'est des tribunaux administratifs spécialisés en assurance chômage. Le conseil arbitral, c'est 3 personnes, dont quelqu'un qui vient du milieu syndical, puis c'est des gens issus de la communauté qui ne sont pas des décideurs à temps plein. Je conteste une décision, je m'en vais au conseil arbitral, ça prend 3 à 6 semaines, puis ils rendent la décision le jour même. C'est sûr que quand on attend, c'est toujours trop long. Par contre, objectivement, là, même si on est anticapitaliste, nous, on reconnaissait que ça marchait pas pire, dans le sens que c'était un peu un système de justice accessible. Tu contestes une décision, ça ne coûte rien, ça ne te coûtera pas une scène, tu vas être entendu en 3 à 6 semaines, tu n'as pas besoin d'avocat, d'avocat, tu peux être représenté, tu peux y aller tout seul, tu peux être représenté par qui tu veux, un délégué syndical, un membre de la famille, un militant ou une militante d'un organisme de défense qui connaît ça. Tu vas t'expliquer devant les 3 personnes, il n'y a aucun formalisme, il n'y a pas d'affaire de procédure, de droit et tout ça. Tu racontes ton histoire puis ils rendent la décision le jour même. Moi, ma question, c'est est-ce qu'ils avaient un préjugé favorable ou défavorable? Je dirais qu'en général, ils ont un préjugé favorable aux prestataires. Par contre, la loi qui applique, c'est une loi défavorable aux prestataires. Puis c'est quand même, tu sais, quand la loi a dit que tu as besoin de 910 heures pour avoir droit, on a eu un cas, une mère de famille monoparentale avec 2 enfants, elle avait 909 heures, elle est allée au tribunal, mais le tribunal, il pouvait pas, tu sais, la loi dit que ça en prend 910, le tribunal ne peut pas changer la loi. Mais quand il s'agit d'interpréter si ton départ volontaire est justifié parce que tu alléguais du harcèlement sexuel, bien ça, les tribunaux interprétaient ça quand même favorablement aux prestataires. Mais ces tribunaux-là sont abolis à partir du 1er avril, ils n'existeront plus. C'est un nouveau tribunal qui a été spécialisé, dont tous les décideurs vont être basés à Ottawa. Ils vont être 39 juges nommés à temps plein par le gouvernement conservateur. Il n'y aura plus de représentants de syndicats, ni patronales d'ailleurs. Et présentement, on a 300 des conseils arbitraux, là, il y en a 300 à travers le Canada. Il y a 300 présidents ou présidentes. Ils vont être 39. Ils vont faire ça à temps plein pour des mandats de 5 ans. Puis les salles d'audience, il y en a 83 à travers le Canada, il va en avoir juste 40. Puis ça va se faire par vidéoconférence, parce que les décideurs, la plupart, vont être à Ottawa. Fait que tu es à Québec, tu contestes une décision, tu vas aller dans un bureau à Québec devant une caméra, puis un moniteur, puis tu vas t'adresser à un décideur à Ottawa, puis tu vas lui expliquer pourquoi tu as quitté ta job, parce que c'était quoi le harcèlement sexuel dont tu étais victime, puis tout ça. Et le droit d'appel ne sera plus automatique. C'est que si je reçois une décision puis je suis refusé, avant d'avoir le droit d'aller au tribunal, il va falloir que je fasse faire une révision administrative de mon dossier. Ça va prendre un mois ou deux mois de plus. Puis si la révision ne marche pas, en général, ça ne marche pas, les révisions administratives, parce que c'est un autre agent qui révise la décision de son confrère ou de sa consœur. C'est rare qu'il change la décision. Là, je vais avoir le droit de contester au tribunal, mais même là, le tribunal va avoir le droit de refuser de m'entendre s'il juge, avant même qu'il y ait eu l'audience, que je n'ai pas vraiment de chance de succès. Ça, c'est à compter du 1er avril 2013. Hier, on a mis la main sur un document, une présentation PowerPoint faite par le ministère qui explique carrément que c'est pour réduire le nombre d'appels. Donc, c'est ça. Parce qu'il y en avait trop et ça coûtait trop cher. Officiellement, ils disent que c'est une question d'efficacité, que c'est sûr que ça va être plus efficace parce que les gens vont pouvoir faire corriger les décisions erronées en révision administrative, ils ne seront pas obligés d'aller jusqu'au tribunal. Nous autres, notre expérience, c'est que la révision administrative, ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'on allait directement au tribunal quand on contestait des décisions. C'était plutôt aussi vite, sinon plus, puis ça ne coûtait rien. Puis on gagnait plus souvent. Fait que, nous autres, au tribunal, on gagne 90 % des causes. On gagnait 90 % des causes. On n'en gagnera plus 90 % avec le nouveau tribunal. Mais l'important, ça a l'air de rien, là, parce que c'est 27 000 audiences par année présentement sur 500 000, 800 000, dépendant des demandes de prestations. C'est pas énorme. Mais la loi de l'assurance chômage, vous l'avez vu vite, là, est partie d'une loi qui protégeait quand même pas pire les travailleurs et travailleuses, à une loi qui ne protège plus beaucoup et qui est très sévère. Mais c'est les tribunaux qui interprètent la loi. Fait que les seuls gains qu'on avait réussi à faire dans les 15 dernières années, c'était la jurisprudence, les tribunaux administratifs qui interprétaient la loi de manière un peu plus libérale. Puis à un moment donné, parce que quand il y a des ambiguïtés dans la loi, ils tranchaient souvent en faveur des travailleurs et travailleuses. Fait que là, on avait réussi à avoir certains gains par rapport à la loi. Mais là, le nouveau tribunal, lui, il a toutes les chances de penser qu'il va être... ça va être un seul décideur nommé par des conservateurs. On sait qui vont prendre. Même dans les conseils arbitraux, actuellement, les présidents ou présidentes sont nommés par le gouvernement. Mais sauf qu'ils sont trois, fait que ça contrebalance un peu. On a un nouveau à Montréal, j'ai trouvé ça drôle, là, parce qu'il est étudiant à McGill dans l'économie. Il doit avoir 25-26 ans. Il était candidat conservateur dans Rosemont-Petite-Patrie à la dernière élection fédérale contre Alexandre Boulris. Là, fait qu'il est arrivé genre quatrième ou cinquième. Là, c'était comme un candidat bidon, là, un étudiant qui est des jeunes conservateurs qui vient se battre. Là, quoi, je l'avais rencontré d'ailleurs pendant la campagne électorale. Super think tank de droite. Là, il tripe sur l'école de Chicago, tout ça. C'est un économiste de droite, bien gentil par ailleurs. Mais là, il est rendu, il siège sur le conseil arbitral à Montréal. Président de conseil arbitral, tu fais ça une journée par semaine, puis c'est 800$ la journée. C'est pas jeune, 25 ans, par exemple? Il y a peut-être 28, là. Moi, je le trouvais jeune, mais il était étudiant à McGill, puis il avait l'air d'un étudiant à maîtrise, là, qui peut avoir 24-25. Mais c'est ces gens-là qui... Là, ça va être ces gens-là, mais ils vont être seuls. Ça, c'est ce qui s'en vient en assurance chômage. C'est sûr que nous, depuis que ça a été annoncé, on a parti une mobilisation là-dessus, une campagne de dénonciation. Les groupes de chômeurs, chômeuses à travers le Québec, c'est des groupes communautaires, bon, comme tous les autres groupes communautaires, dont certains sont plus militants, d'autres sont moins militants. C'est tous des groupes qui défendent de l'État, qui dépendent de l'État pour leur financement, qui sont quand même intégrés dans certaines structures bureaucratiques et dont la pratique, par la force des choses, parce que depuis 15 ans, il n'y a plus de lutte là-dessus, ils font beaucoup de la défense individuelle, ils sont très efficaces dans la défense individuelle et dans le soutien aux membres qui ont des problèmes, là. Mais qui ne sont pas très efficaces au niveau de la mobilisation. Et là, au mois de juin, à l'Assemblée générale du MAS, on a quand même déclenché une campagne de mobilisation. Ça a commencé par des assemblées d'information. Il y en a eu une quarantaine à travers le Québec, plusieurs milliers de personnes. À Montréal, il y avait 125 personnes. Mais en région, là, moi, j'étais allé à Forestville, ça va être Côte-Nord, 100 personnes, Sacré-Cœur, 75. Encore cette semaine, à Desjulis, dans le bas du fleuve, il y avait 100 personnes dans une salle. Là, les gens là, sont inquiets par ce qui va se passer. Surtout en dehors des grands centres, là où il y a plus de travail saisonnier, puis sont plus visés par ça. On a appelé à une manifestation nationale à Thetford-Mines le 27 octobre. Les quatre centrales syndicales sont venues. Il y avait à peu près 2 000-2 500 personnes. Il y a eu des manifs en Gaspésie, en Nouveau-Brunswick, qui sont rendus à 7 manifs depuis le mois de juin. Puis le fait intéressant au Nouveau-Brunswick, c'est que les manifs sont organisés par un comité de lutte qui a été créé par des travailleuses non syndiquées de l'industrie de la pêche. C'est 5 ou 6 femmes qui travaillent dans l'industrie de la pêche qui, à chaque année, sont en chômage, donc pendant une partie de l'année, Quand ils ont entendu parler de ça, ils se sont organisés, ils ont formé un comité de lutte contre la réforme de l'assurance chômage. Bon, c'est sûr qu'ils sont allés voir un syndicat pour avoir un petit peu d'aide, des pancartes, des bâtons, tout ça. Ils sont allés voir le député du NPD, Yvon Godin, pour savoir comment tu parles aux journalistes, comment tu fais une conférence de presse, tout ça. Et ils se sont auto-organisés, puis sont rendus à leur 7e manif. Dimanche passé, à Tracadie-Chaina, il y avait 1000 personnes dans la rue pour dénoncer ça. Aux Îles-de-la-Madeleine, le 3 novembre, il y a eu une manif organisée par le Mouvement Action Chômage de la Gaspésie, qui dessert aussi les Îles-de-la-Madeleine. Il y avait 2000 personnes dans la rue. Il y a 12 000 personnes qui vivent aux Îles-de-la-Madeleine. Notre camarade du Mouvement Action Chômage de Chandler, il est allé 2 jours aux Îles-de-la-Madeleine. Il a fait 4 assemblées publiques, 975 personnes dans les assemblées publiques. Puis 3 jours après, il y avait une manif de 2000 personnes. Puis entre-temps, il y en a 4700 qui ont signé une pétition pour dénoncer le changement. À l'échelle du Québec, là, c'est 1,5 million de personnes à manif, puis 3,5 millions qui ont signé la pétition en dedans de 3 jours. Là. Bon, évidemment, c'est sûr, c'est pas pareil, c'est les Îles-de-la-Madeleine, c'est un petit territoire, puis quand tu t'organises, ben, tu as tout ton monde est là, tu peux les organiser. Ce sont les mêmes réflexes que nous autres, on connaît ici à Montréal. Mais c'est pour donner une idée quand même du potentiel de mobilisation qui existe. Mais là, par contre, là, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu de développer cette mobilisation-là, puis l'étendre, puis la poursuivre vers l'ouest du Québec. Parce qu'à date, il n'y a eu aucune action de l'Ontario vers l'ouest. Pourtant, tout le monde est touché. Le jeu du gouvernement Harper, c'est de diviser les chômeurs et les chômeuses entre les bons chômeurs et les mauvais. C'est de diviser en général les travailleurs et les travailleuses en disant « Regardez, vous autres, en Alberta, on vous paye de l'assurance chômage pour du monde au Nouveau-Brunswick qui travaille juste 3 mois dans l'année puis qui se mettent sur le chômage le reste du temps puis qui vont à la chasse pendant l'hiver puis qui en profitent. » C'est le discours officiel. Le jour où on va se rendre compte que c'est tout le monde qui est attaqué par ça, tout le monde qui est en chômage ou qui va tomber en chômage, ou même les autres aussi, c'est tous les travailleurs et travailleuses, il y a un potentiel pour développer une mobilisation. Puis il va falloir, pour qu'elle soit nationale, malheureusement ou heureusement, il va falloir s'appuyer en partie sur les grandes centrales syndicales qui ont des contacts, des ressources, des moyens pour rejoindre, mettons, les grands syndicats du Canada anglais. Puis en même temps que ça va se faire, il faut aussi poursuivre les initiatives comme le Nouveau-Brunswick, puis trouver une façon de s'organiser qui va permettre aux gens de s'organiser et de faire leurs propres actions. Moi, j'ai trippé quand j'étais allé en Haute-Côte-Nord pour le mars faire la tournée de mobilisation. Je n'étais jamais allé en Haute-Côte-Nord de ma vie. C'est pas que 53 ans, je suis Forestville, je ne connaissais pas ça. Puis, mon expérience militante est toujours à Montréal, puis le groupe dans lequel je travaille depuis 3 ans, c'est à Montréal aussi. Là, je suis arrivé là en pensant d'abord que j'aurais de la misère, parce que là, je suis le Montréalais qui vient éduquer les masses là, à Forestville. T'sais. Déjà, il y a des préjugés. T'sais. Puis j'arrive là, puis je commence à jaser avec du monde. Puis là, la première question d'une militante du groupe Action Chômage là-bas, elle me dit « Ouais, ça se passe quand même avec des Arabes au juste à Montréal. Là. Vous n'êtes pas lié avec ça, vous autres? » Bon. C'était comme là, les préjugés. L'Assemblée avait été convoquée à 5 jours d'avis. Il y avait 100 personnes dans la salle. Un lundi soir, je suis arrivé à 5h. À 7h, il y avait 100 personnes dans la salle. On présente les changements au régime d'assurance chômage. J'ai eu des questions. Une première travailleuse d'une pépinière qui lève sa main a dit « Quand est-ce qu'on bloque la 138, nous autres? » Puis là, toute la discussion était sur comment ils s'organiseraient. Puis à la fin de la soirée, on prenait une bière ensemble avec un groupe d'une douzaine de femmes. C'est le groupe Action Chômage, là-bas. C'est pas un groupe reconnu, ils n'ont pas de financement. C'est un groupe qui existe depuis 10 ans, mais c'est des travailleuses. C'est juste des femmes qui sont dans le groupe, d'ailleurs. Ils ont déjà fait des actions en 2003-2004. Ils avaient bloqué la 138. Ils avaient fait une manif. Il avait forcé tous les commerçants à fermer pour la journée dans la ville, en tout cas. Puis là, il parlait de comment ils s'organiseraient, puis il parlait déjà de façon, comment ils feraient leur ligne pour coincer les flics quand la SQ de Québec viendrait pour faire un piège, pour les attraper par en arrière, derrière la ligne de flics, tout. C'était assez impressionnant. Puis par contre, moi, ils me voient débarquer là, puis bon, ils savent que je viens du mouvement Action Chômage, je suis du MAS, on est dans le même regroupement national, mais... au niveau politique, leurs conceptions sont, ils peuvent être très péguistes, ils peuvent être très... ils n'ont pas les références anticapitalistes, tout ça. Puis moi, ils sont loin de savoir que dans ma vie militante, en dehors de ma job, qui est de travailler au mouvement sur le chômage, je suis maoïste, puis je suis militant communiste. S'il y avait su ça, ils m'auraient probablement mis du goudron et des plumes, puis ils m'auraient renvoyé à Montréal. Par contre, le niveau de discussion qu'il y avait en termes d'action directe, d'organisation, c'était bien plus trippant souvent que ce qu'on est ici à Montréal. En préparation de la manif pour Ted Fairbanks, on mobilisait ici à Montréal, puis le nombre de militants et de militantes de gauche et d'extrême gauche, communautaire ou QS, peu importe, qui nous ont dit, ouais, aller le manif à Tetford-Mine, c'est 3h15 aller, 3h15 retour, ça va me scraper tout mon samedi. Eux autres, là-bas, ils ne réfléchissent pas dans ces termes-là. D'abord, quand ils font, ils viennent des manifs à Montréal. Puis eux autres, ils se le tapent, le trajet. Puis... Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant en termes de dynamique. Mais là, ce qu'on essaie, c'est d'organiser ça au niveau national pour... Il y a une manif déjà prévue le 15 décembre à Robertval, au lac Saint-Jean, par le mouvement sur le chômage du lac Saint-Jean. Ce n'est pas une manif nationale, mais on va quand même envoyer des délégations des différentes villes pour aller les appuyer. Puis il va y avoir d'autres actions. Et si ça rentre en vigueur le 1er janvier, moi, c'est ce que je pense. C'est le pari que je fais, c'est qu'à partir du moment où les gens vont vraiment, vraiment être touchés, que là, il va y avoir un potentiel de mobilisation fort. Il va falloir trouver la façon de canaliser ça dans des actions fortes aussi. Mais ça ne fait pas partie nécessairement de nos traditions militantes dans le milieu de la défense. Le gouvernement, là, pour modifier la loi, là, s'il est majoritaire, il modifie la loi, ça vient de cette manière-là. Oui. C'est ça. C-38, là, en fait, sans rentrer dans la mécanique, avant la loi d'assurance chômage, elle définissait c'était quoi un emploi convenable, je vous l'ai dit. Ce que C-38 a fait, c'est que C-38 a retiré de la loi d'assurance chômage la définition de qu'est-ce qu'est un emploi convenable. Puis, C-38 donne le pouvoir au Conseil des ministres de déterminer par règlement ce qui va être un emploi convenable. Fait, ce qui est là, c'est ce que la ministre a annoncé au mois de mai, elle dit, voici ce qu'on a l'intention de faire. Son règlement est supposé être déposé d'ici le 1er janvier pour une mise en vigueur le 1er janvier. Ça, ils ont juste à le voter en Conseil des ministres. Ils n'ont même pas... C'est-à-dire, il n'y aurait même pas de... On s'entend que les comités parlementaires, c'est souvent de la frite puis bidon. Mais bon, ils ne sont même pas obligés d'en faire. Mais on ne réussira jamais à les faire changer d'idée, ces conservateurs-là? Ben, on peut dire ça, mais en même temps, regardez, au mois de janvier, là, moi, j'étais sûr qu'ils pensaient qu'on ne réussirait jamais à faire changer d'idée le gouvernement Charest. Sa décision était prise de hausser les frais de scolarité. C'était une décision ferme, annoncée dans un budget. Le gouvernement était majoritaire, c'était une bonne tête de cochon, et idéologiquement et politiquement, il s'était bien préparé à ça, à faire passer cette mesure-là. Pourtant, finalement, le mouvement a réussi à gagner là-dessus. Bon, on n'en est pas là sur l'assurance chômage. Mais c'est pas impossible de lutter et de gagner. Mais c'est pas fait non plus. T'sais. Par contre, la beauté de la chose, là, c'est que moi, je me fais. Nous autres, comme mouvement sur le chômage, on parle à tout le monde. J'ai même personnellement rencontré Justin Trudeau il y a quelques semaines pour lui expliquer les changements, puis il est bien sensible officiellement à ça. C'est tout. L'NPD, c'est sûr qu'ils disent que s'ils prennent le pouvoir, ils vont le changer tout de suite. Mais le fait est que maintenant que c'est plus dans la loi, c'est rendu déterminé par règlement, bien, un gouvernement qui changerait d'idée, ça lui prend 24 heures, puis il peut revenir à l'ancienne définition. Parce qu'il n'y aura même pas besoin d'une loi. C'est vrai. Mettons que... Donnons-leur pour le fun le bénéfice du doute. Mettons qu'il y a un gros mouvement social, qu'on ne réussit pas à faire changer le gouvernement, l'idée du gouvernement, mais que ce gouvernement-là est renversé en 2015, puis le NPD ou les libéraux sont élus. Mais oui, c'est possible que s'ils veulent répondre à pression, c'est possible en une journée de changer tout ça et ramener ça comme c'était avant. Ils n'ont même pas besoin de le voter, même s'ils sont minoritaires. Ouais. Non, parce que la définition de ce qu'est un emploi convenable maintenant n'est plus dans la loi d'assurance chômage. La loi d'assurance chômage dit c'est le Conseil des ministres qui détermine par règlement c'est quoi un emploi convenable. Fait que ça peut être changé n'importe quel. Mais ça, il suffit qu'il y ait l'intention de le faire, puis ils le font. Mais pourquoi ça ne sort pas plus? Il y a différentes raisons. Mais ça a sorti quand même un petit peu. La manif à Tetford-Mine, le 27 octobre, a été couverte nationalement quand même. LCN, TVA, Radio-Canada était là. Tout. Mais bon, ça n'a pas sorti beaucoup. Il y a eu une couple de journalistes, comme Manon Cornelier au Devoir, qui suivent le dossier, puis qui en ont quand même écrit quelques très bons articles. Analytique sur ces changements-là, mais ça n'a pas sorti encore massivement. Sauf dans les régions où ils sont plus touchés parce que c'est du monde qui connaissent bien l'assurance chômage, donc ils suivent ce qui se passe en assurance chômage. Dans la presse, sur mon bureau, là, j'ai une revue de presse, parce qu'on imprime tous les articles sur Internet, j'ai une revue de presse, ça dépaisse, mais c'est des articles qui viennent, l'hebdo de Gaspésie, l'info dimanche de Chicoutimi, bon, des journaux locaux. Il en parle à toutes les semaines de l'assurance chômage depuis une couple de mois. Mais ça n'a pas sorti nationalement très, très peu. Mais ça, c'est l'enjeu. Puis en même temps, même sais, comme au Conseil central de la CSN à Montréal, c'est quand même l'aile gauche de la CSN, ils sont quand même assez militants. Ils ont fait une assemblée générale où ils ont fait un point à l'ordre du jour là-dessus. Puis même les militants militantes qui étaient là, qui sont des syndicats les plus impliqués dans la CSN, ils avaient l'air de se dire, ça ne nous touche pas, nous autres. Ou, on va voir quand ça va arriver. T'sais. Ça, il y a des gens encore, même on me rapportait qu'en Gaspésie, nos camarades là-bas, dans les assemblées publiques, il y a du monde qui se sont poignés avec du monde parce qu'il y a du monde qui disait, vous êtes là pour nous monter contre le gouvernement, là, vous voulez nous faire peur, je vous crois pas. C'est pas vrai qu'ils vont faire ça. Ça se peut pas. Puis c'est comme, OK, mais sauf que c'est parce que c'est pas encore en vigueur. C'est ça, un peu ça que je disais tantôt. La minute où ça va rentrer en vigueur, la minute où toi, tu vas recevoir une lettre qui te dit que tu es coupé parce que tu as refusé t'as négligé de postuler sur une opportunité d'emploi convenable, là, ça va commencer à sortir, puis on va pouvoir l'exposer. Le risque, c'est qu'il peut y avoir deux réactions. Le monde peut se dire, ils peuvent se révolter, comme ils peuvent aussi, puis ça, on en voit déjà du monde là, qui vient nous voir, se dire, si c'est comme ça, moi, de la marde, j'en demanderai même plus d'assurance chômage, je vais m'organiser autrement. Puis ça, il y a au département de sciences économiques à l'UQAM, le directeur du département, c'est un consultant, c'est un spécialiste en assurance chômage. Il est consultant présentement pour l'État de l'Oregon aux États-Unis. Dans l'État de l'Oregon, ils sont en train d'abolir le régime d'assurance chômage public. Ça va être remplacé par un régime des comptes individuels d'assurance chômage. Puis lui, il a présenté tout un projet pour le Canada, backé par la Banque nationale. Il a donné un séminaire commandité par la Banque nationale auquel j'ai assisté. Il dit, chaque salarié serait obligé de cotiser 2% de son salaire à l'assurance chômage dans un compte individuel. L'argent serait géré par les banques et les compagnies d'assurance. La NAN pour les banques et les compagnies d'assurance. Le salarié, l'employeur ne mettrait plus de scène. Ce serait juste le salarié qui cotiserait. Parce que les employeurs, il faut baisser leur charge sociale pour qu'ils deviennent plus carbone, tout ça. Dans le discours capitaliste habituel. Puis, les salariés auraient droit à des crédits d'impôt. Ce serait comme s'ils mettent de l'argent dans un REER. Mais c'est un compte individuel. Puis, à la fin de ta vie, à 65 ans, tu pourrais récupérer l'argent que tu as mis là-dedans. Mais pour certaines catégories de salariés qui connaissent moins, qui sont moins précaires, qui connaissent moins la réalité du chômage, mais qui, quand ils ont besoin de chômage, ils se font chier avec un régime qui ne leur donne pas ou qui leur met des embûches, puis avec une bureaucratie qui prend 5 mois pour que tu aies une réponse, ils se disent « je serais bien mieux que mon compte individuel ». Sauf que faites le calcul, si vous êtes un travailleur ou une travailleuse précaire, vous cotisez 2% de votre salaire. Vous travaillez un an, vous avez accumulé. Lui, il dit que le taux de prestation, ça serait 50% dans son modèle. Ça veut dire que vous avez accumulé 2 semaines de chômage par année de travail. Fait que si vous êtes un précaire ou une précaire, oubliez ça, vous n'aurez jamais d'assurance chômage. Mais si vous êtes par contre quelqu'un qui travaille 20 ans dans le même job, vous pourrez. Parce que lui, il dit que ça serait le fort, tu pourrais même quitter ta job volontairement puis prendre une année sabbatique, puis prendre ton argent pour en profiter. Et dans ton compte individuel. Moi, je pense que, sans être paranoïaque, donc, si j'étais Stephen Harper et que j'avais connaissance de cette étude-là, de Stéphane Palage, là, du département d'économie à l'UQAM, je dirais intéressant comme idée. Parce que l'État garde quand même le contrôle des règles. Fait que l'État peut encore tout faire les règles qu'il veut, mais c'est un compte individuel. Puis, là, les gens dans la précarité, tu les mets dans. Au Chili, ça existe en passant. Les comptes individuels, c'est bien que ça marche. C'est des comptes individuels d'assurance chômage. La seule chose, c'est que quand tu as épuisé ton compte, l'argent dans ton compte, tu n'as plus rien, ils ont un petit programme de supplément, c'est 30% le taux de prestation pour quelques semaines, qui vient complémenter le régime du privé. Mais ça existe au Chili, puis ça existe dans d'autres pays. Et ils n'ont pas d'assurance, de vraie assurance. Non, c'est ça. Sauf le petit complément à 30%. Ouais. Il y a eu une couple de questions, mais j'ai parlé plus longtemps que je pensais intervenir. C'était pas mal moi qui ai parlé seulement. J'aimerais ça si vous avez soit des questions ou des commentaires. Ou vous avez des. C'est quand la prochaine manifestation à Montréal? À Montréal, là, c'est ça qui est difficile parce que notre capacité de mobilisation n'est pas grande à Montréal. On a fait une ligne de piquetage au mois de juin. On a fait une assemblée publique. On a mobilisé. On a eu 6 autobus de Montréal qui sont allés à tête fenêtre, dont 3 étaient remplis par du monde de la FTQ. Puis 3 autres, c'était plus nous autres, là, avec quelques personnes de la CSN. Là, on regarde à organiser une journée d'action à Montréal où la même journée, on ferait comme des lignes de piquetage devant chaque bureau de Service Canada. Il y en a une dizaine quand on prend Laval, Longueuil puis Montréal. Et le matin, mais ça serait. Il n'y a plus tellement de monde qui vont dans les bureaux de chômage. Là. Comme je vous disais, ils essayent de les envoyer à la maison, mais il y en a encore un peu. Fait que là, on rebaptiserait, c'est écrit Service Canada, on les rebaptiserait Saccage Canada pour la journée. On ferait, mais ça serait de l'ordre du symbolique, là, c'est-à-dire on serait devant les portes, on passerait des tracts. Puis là, on pense ensuite à une... On ne bloquerait pas les portes. Non, parce que là, il y a une question, bloquer les portes dans un bureau de chômage, et que t'empêches des prestataires qui ont peut-être, ça fait 5 mois qu'ils attendent un chèque, puis qui s'en vont au bureau de chômage, tu les empêches. Parce qu'on a pensé, présentement, ils font des convocations de groupe aussi, pour que les gens apportent leur liste de recherche d'emploi. Puis là, on avait pensé aller faire une occupation dans une rencontre de groupe. Mais là, en même temps, on s'était dit, là, c'est tout le problème de... Historiquement, disons, quand on a fait des occupations dans les groupes de défense en matière d'assurance chômage, on n'occupait pas les bureaux de chômage, on occupait des bureaux administratifs qui ne touchent pas le service aux prestataires. Puis là, des bureaux de députés, des bureaux de ministres. Là, la difficulté, c'est que des conservateurs à Montréal, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un bureau du Parti conservateur à Montréal. Il y en a un à Québec, par contre. Il n'y en a même pas un à Montréal. Mais bon, on a quand même découvert, on connaît 2 bureaux où il y a des fonctionnaires d'assurance chômage, puis il y a pas de, c'est des bureaux privés, secrets. On a quand même les coordonnées de 2 bureaux. Éventuellement, c'est le type d'action qu'on voudrait privilégier. Puis en même temps, ça va être de voir en fonction de qui va vouloir faire quoi. Parce que c'est pas dans les traditions de nos groupes. Puis je le dis pas péjorativement, là, ça existe. Le mouvement d'assurance chômage, mettons, moi je travaille là depuis 3 ans, je suis impliqué depuis 5 ans. Je travaille là depuis 3 ans. On a des militants, des militantes super dévoués, un conseil d'administration de militants et de militantes, c'est du bien bon monde, puis il y en a qui se définissent comme anticapitalistes et qui sont plus radicaux. Mais on a du monde qui sont là, ça fait 25 ans qu'ils militent là, puis la dernière action directe où ils sont allés, là, c'était le commando bouffe du comité des sans-emploi en 1900 tranquille, je ne sais plus quelle année, au Reine-Élisabeth. Puis il y en a un qui s'était fait arrêter. Puis à chaque fois qu'on parle de venir à une manif aujourd'hui, il faut qu'on le rassure et qu'on lui donne des garanties qu'il ne se fera pas arrêter. T'sais. Puis si on parle de l'action directe, il est venu à Thetford Mines parce qu'il savait que c'était une manif avec un permis de la police et qu'il y avait tout. C'est juste pour dire que c'est. C'est ça. C'est mais c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est qu'on travaille entre guillemets avec des gens. C'est du vrai monde. Puis autant que nous, on est du vrai monde, puis qu'on est bien content quand on voit le premier arrivé, parce que là, on sait qu'on va avoir une manif intéressante. T'sais. Mais eux autres, c'est autant du vrai monde, mais leur expérience militante n'est pas la même. Donc, c'est ce monde-là qu'il faut amener à mobiliser dans des actions plus significatives. La façon dont on va le faire, bien, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Puis même au niveau national, il faut garder l'unité aussi entre ces groupes-là, dont certains n'ont pas de tradition militante du tout, d'autres sont prêts à faire, comme en Haute-Côte-Nord, eux autres sont prêts à faire des actions plus radicales. Fait que c'est ce qu'on essaie d'organiser en ce moment. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel à partir de janvier. Oui, oui. 6 janvier, il va y avoir une manif à Robertval, puis plus d'éducation populaire. La CSN, il parle d'organiser une nouvelle assemblée publique à Montréal, comme on l'a fait au mois de septembre. Mais là, au lieu d'avoir différents panélistes qui sont des bureaucrates là, qui viennent de tous les groupes, on donnerait la parole à des gens de chaque secteur touché. Un travailleur ou une travailleuse de l'hôtellerie, un chargé de cours ou une chargée de cours, quelqu'un de l'agence de placement. On ferait comme un panel de témoignages de comment ça va me toucher, moi, pour essayer d'élargir la mobilisation, d'impliquer plus de monde, de rendre ça plus concret. C'est pas une mauvaise idée, dans le fond, s'ils veulent faire ça, ben c'est ça, on va les appuyer. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils soient sur le territoire canadien. Parce qu'ils peuvent avoir droit à l'assurance chômage, mais s'ils quittent, ça c'est le cas par exemple des travailleurs étrangers temporaires qui viennent ici pour une période donnée, puis qu'après ils doivent quitter. Ils ont un droit théorique à l'assurance chômage, parce qu'ils ont, si on travaillait assez d'heures, ils ont droit, mais ils ne pourront pas le toucher tant qu'ils ne sont pas au Canada. Parce que dès que tu sors du Canada, tu n'as pas droit à l'assurance chômage. Sauf à moins que tu aies vu au funérail d'un membre de la famille, là, tu sors d'une semaine, tu as droit à une semaine de chômage pareil. Là. Mais c'est ça. L'autre problème qui arrive à l'occasion pour les travailleurs et travailleuses migrants, c'est ceux qui ont des permis de travail restreints. Tu as un permis de travail pour un employeur précis. Tu perds ta job, tu as droit à l'assurance chômage, mais là, ils vont t'établir un droit aux prestations si tu réponds aux conditions. Mais là, ils vont te dire on ne te paye pas parce qu'on ne peut pas te considérer disponible et capable de travailler parce que ton permis de travail, il est plus bon. Fait que tu ne peux pas travailler au Canada. Ouais, mais je suis là puis je peux faire une recherche d'emploi. Ouais, mais c'est si tu trouves une job que là, tu vas pouvoir faire une demande d'un nouveau permis de travail, mais il faut que tu ailles l'offre d'emploi d'un employeur pour avoir un nouveau permis avec le nom du nouvel employeur. Sauf que là, c'est un catch 22 parce que l'assurance chômage, dans ce temps-là, ils vont dire on ne peut pas te considérer disponible. Dans les faits, je suis disponible, je cherche l'emploi, puis dès que je m'en trouve un, je vais avoir un nouveau permis de travail. Moi, mais entre-temps, on ne peut pas considérer que tu peux travailler, tu n'as pas de permis de travail. C'est absurde, là, mais ça, on en défend beaucoup des cas comme ça. Puis la jurisprudence des tribunaux, c'est bizarre, mais elle est divisée moitié-moitié là-dessus. Il y a comme la moitié des juges qui ont dit à un moment donné, dans des cas comme ça, mais non, il est disponible pareil, est-ce-t-il, donnez-y son chômage. La preuve qu'il est disponible, c'est qu'il s'en trouve une plus tard, une job, puis il a son permis de travail qui est renouvelé automatiquement dès qu'il y a une offre d'emploi. Puis il y a d'autres juges qui disent, non, non, la semaine où il voudrait avoir du chômage, comme il n'y a pas de permis, on ne peut pas le considérer disponible. On a deux interprétations par les tribunaux. Puis c'est bien dur pour les travailleurs et travailleuses migrants. D'abord, ils ne connaissent pas toujours, comme j'ai mentionné le cas du Tunisien. Oui. J'ai eu un cas récemment. Ça, j'ai trouvé ça tellement grave. Moi, j'ai comme un défaut, mais je pense que c'est une qualité, dans le fond. Et je suis foncièrement, depuis que j'ai commencé à militer, antinationaliste. Et en particulier, antinationaliste québécois. Je compte l'indépendance du Québec. Je veux rien savoir du préchi-précha nationaliste. Puis de la loi 101, je m'en calisse. J'ai eu un cas récemment d'un travailleur colombien, réfugié politique. Il arrive au Canada. Il se trouve une première job avec une agence de placement temporaire qui appartient à des latino-américains. Il l'envoie travailler dans un entrepôt. Il travaille surtout avec des latino-américains. Donc, lui, il ne parle pas français ou très, très, très peu. Puis il ne parle pas anglais, mais il travaille en espagnol. Il est capable de travailler dans un entrepôt. Il travaille 10 mois, 1600 quelques heures. Puis là, l'agence n'a plus d'ouvrage pour lui. Il a son relevé d'emploi. Puis l'agence, il dit, tu peux avoir droit au chômage. Ça prend 910 heures, t'en as 1600. Il va faire sa demande de prestation. Il reçoit une première lettre qui dit que tu as droit au chômage pendant tant de semaines, à temps par semaine, tout ça. Puis le même jour, il y a une deuxième lettre dans une deuxième enveloppe qui dit tu n'es pas admissible à l'assurance chômage parce qu'on ne peut pas te considérer disponible et capable de travailler parce que tu ne maîtrises pas une des deux langues officielles. Donc, comment tu peux te trouver une job si tu ne parles pas français et anglais au Canada? Heureusement, il connaissait... C'est la preuve qu'on peut s'en trouver. Oui, mais c'est ça. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange, là, le dicton en britannique, là, de proof of the pudding is in the eating. C'est la preuve qu'il peut travailler, c'est que Chris, il vient de travailler 1600 heures ici. Ben oui. Sauf qu'il y a un agent de l'assurance chômage qui avait... Là, évidemment, là, lui, il avait tiré l'interprétation de la loi, là, tu sais, pas étiré, il l'avait resserré, puis parce qu'il devait être hyper nationaliste, il s'est dit, lui, il parle pas français. Il avait parlé au téléphone, dit, lui, il parle pas français, il peut pas travailler ici. Je coupe l'assurance chômage. Mais heureusement, ce travailleur-là, qui connaît, il y a quelqu'un dans sa communauté qui a dit, va voir au mouvement son chômage, il est venu nous voir, on a contesté la décision, puis on n'a même pas eu besoin d'aller au tribunal. Avant même d'aller au tribunal, il y a une autre agente qui a appelé, puis elle s'est excusée, elle dit, vous savez, mon collègue, il ne devait pas filer cette journée-là, là. Je comprends que, je comprends que le monsieur, il peut travailler, là, la preuve, c'est qu'il travaillait, mais elle dit, en passant, dis quand même, ici, c'est au Québec, là, dis quand même d'aller suivre un cours de français, là. Parce qu'ici, au Québec, c'est en français que ça se passe. C'est un petit conseil que vous pourriez donner en passant. Elle m'a dit ça au téléphone. Mais, puis c'est ça. Puis, et si ça y est arrivé à lui, c'est que ça y est peut-être arrivé à 9 autres travailleurs réfugiés politiques de Colombie qui n'ont pas eu le réflexe ou la chance de connaître quelqu'un qui leur a dit « Va voir eux autres, ils vont peut-être t'aider à contester ça, ça n'a pas d'allure. Tu » sais. Ça, c'est une particularité dans le régime actuel... Les types de discrimination, bien, c'est... Ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires sont... Non, mais le type de discrimination qu'on voit, de problème qu'on voit à ce niveau-là à l'assurance chômage, c'est vraiment lié au type de discrimination systémique qu'on voit aussi dans la société par rapport aux travailleurs migrants, aux travailleuses migrantes. Au niveau des femmes, la discrimination, elle s'exerce dans l'entrée au régime parce que à cause de la problématique du travail à temps partiel, la moyenne d'heures travaillées, là, en général, des hommes au Canada, je pense, c'est 37 heures, puis les femmes, c'est 30 heures. À peu près, quand on fait des grandes moyennes. Mais comme le droit à l'assurance chômage dépend du nombre d'heures, ça prend. Les seuils sont quand même assez élevés. Fait que, c'est plus difficile pour les femmes d'accumuler. Puis quand elles ont droit, le nombre d'heures détermine aussi le nombre de semaines de prestations que tu peux recevoir. Fait qu'elles reçoivent moins de semaines de prestations. Quand je disais là, que maintenant, il y a 40. C'est entre 40 et 50 % des sans-emploi au Canada qui sont couverts par le régime d'assurance chômage. Les femmes, c'est 10 % de moins. Ça, c'est les chiffres. entre 40 et 50 pour les hommes, puis entre 30 et 40. Bon an, mal an, ça varie, mais l'écart entre les hommes et les femmes est toujours à peu près de 10 % depuis 1996, ça n'a pas varié. Il y a une discrimination systémique aussi, mais une fois rendu à l'assurance chômage, à la limite, là, il n'y a pas nécessairement de distinction, de discrimination qui s'exerce, mais dans l'entrée au régime, oui, où la discrimination elle va s'exercer indirectement. Comme la moyenne des salaires féminins est plus basse que des salaires masculins, bien la règle du 70 % va avoir un impact plus grand aussi, parce que ça... Toi, tu serais pour qu'à l'assurance chômage, on tienne compte de cette différence-là qui existe dans la société, qu'il y a une norme différente pour les femmes. En tout cas, c'est pas ça qu'on revendique, là, mais nous autres, on revendique une norme unique, justement, de 350 heures, pour avoir droit, au lieu que ce soit entre 420 et 910. Une norme unique de 350 heures à travers le Canada, ce qui nous ramènerait à peu près à la situation qu'il y avait au début des années 90. C'est sûr qu'encore là, on pourrait dire qu'en bas de 350 heures, il y a une discrimination, mais disons, au niveau de nos revendications immédiates, là, c'est plutôt d'essayer de ramener, réouvrir les portes d'entrée au régime là, pour que le monde puisse rentrer dedans. Après ça, si on gagne ça, on verra. Mais on n'est pas tellement favorable à l'idée d'avoir des normes différentes. Ça, ils ont fait ça dans le régime, là, d'une région à l'autre. Hein. C'est pas le même nombre d'heures. Ça, c'est bizarre. Tu restes à Montréal, moi, je reste à Saint-Hyacinthe, puis on travaille tous les deux à Boucherville, dans le parc industriel. On a deux jobs, on travaille le même nombre d'heures pendant 4 mois, 15 semaines, 600 heures. Toi, tu es à Montréal, tu fais ta demande de prestation, tu vas avoir droit. Moi, je suis à Saint-Hyacinthe, je fais ma demande de prestation, je vais avoir zéro assurance chômage. Parce qu'avec 600 heures à Saint-Hyacinthe, je n'ai pas assez. Ça en prend 630. À Montréal, ça en prend 595. J'en ai assez. T'sais. Fait que, moi, à ce moment-là, là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'appeler et je vais te demander, ça te dérange-tu? Je vais mettre ton adresse, tu me demandes de prestation. Si jamais il t'appelle, tu diras qu'on est coloc. Fait que là, je fraude l'assurance chômage. En faisant ça, c'est risqué parce qu'ils peuvent remonter 6 ans en arrière. S'ils me pognent, puis ils vont me pogner comment? Ils ont accès à tous les rapports d'impôts du fédéral. Fait que l'année suivante, ils vont voir qu'en 2011, je restais à Saint-Hyacinthe, ça a eu bouché. Qu'en 2012, j'ai fait une demande de chômage avec une adresse à Montréal. Qu'en 2013, j'ai fait mon rapport d'impôt. Ou en 2014, je restais sur le boucher à Saint-Hyacinthe. Là, ils vont checker ça. Ils vont me mettre sous enquête. Là, ils vont vouloir des preuves, loyer payé, reçu, bail. Preuves que j'ai fait mes changements d'adresse à Hydro, à la compagnie d'assurance, à mon permis de conduire, à la banque, tout ça. Puis là, fait que si je suis fait, il va falloir que je rembourse les prestations que j'ai reçues sans droit. Avec plus une pénalité de 50%. Puis ils vont me donner un avis de fraude dans mon dossier que mes deux prochaines demandes de chômage, ça va majorer le nombre d'heures exigées pour que je me qualifie. C'est bien que ça marche à l'assurance chômage. Je m'excuse pour la forme, je l'avais dit au début, mais c'est vraiment... on est comme ça au mouvement Action chômage. On donne 3 fois par semaine des rencontres. Pour les gens qui ont des problèmes de chômage ou qui veulent se renseigner, on fait 3 séances d'information par semaine, le mardi puis le jeudi à 1h de l'après-midi, puis le mercredi soir à 7h. Ça fait, je pense, 30 ans qu'on marche de même. Puis les gens sont obligés de venir dans une rencontre de 2 heures où on leur explique comment ça marche, leurs droits, puis les droits qu'ils n'ont pas aussi, pour que les gens comprennent la situation. Puis après ça, une fois qu'ils se sont tapés la rencontre, là, on intervient individuellement auprès d'eux puis auprès d'elles pour les aider dans leur cas. Mais c'est à la fois pratico-pratique, mais une démarche d'éducation. Puis le régime est tellement compliqué que faut que tu prennes le temps de l'expliquer. Il y avait une feuille qui avait été laissée sur la table en avant avec un petit historique du régime. Puis, s'il y en a qui s'intéressent, qui veulent fouiller plus la question, il y a une référence que vous pouvez trouver en bibliothèque à l'UQAM ou ailleurs, là, de Georges Campeau, qui est un ancien prof de l'UQAM, qui est rendu retraité, un ancien avocat aussi, qui est vraiment le spécialiste, pas juste de la loi de l'assurance chômage, mais de l'analyse de l'assurance chômage comme politique sociale au Canada. Puis en 2001, il avait publié un livre sur l'historique du régime, puis comment il y a eu un changement de paradigme entre l'ancienne conception qui était plus protection collective des travailleurs-travailleuses puis la conception maintenant de néolibérale de porter la responsabilité individuelle du chômage sur les épaules du travailleur ou de la travailleuse. C'est vraiment très bien fait, c'est une bonne référence si jamais vous voulez fouiller plus la question. Merci.